Premier livre de Samuel, chapitre 21. David donc s'en alla à Nob, vers Ahimelech le sacrificateur, et Ahimelech tout effrayé courut au devant de David, et lui dit, « D'où vient que tu es seul, et qu'il n'y a personne avec toi ?» Et David dit à Ahimelech le sacrificateur, « Le roi m'a commandé quelque chose, et m'a dit, que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de ce que je t'ai commandé, et j'ai assigné à mes gens un certain lieu. Maintenant donc qu'as-tu en main, donne-moi 5 pains, ou ce qui se trouvera. » Et le sacrificateur répondit à David, et dit, « Je n'ai point en main de pain commun, mais du pain sacré, mais tes gens se sont-ils au moins gardés des femmes ?» Et David répondit au sacrificateur, et lui dit, « Qui plus est, depuis que je suis parti, il y a déjà 4 jours, les femmes ont été éloignées de nous, et les vaisseaux de mes gens ont été saints, et ce pain est tenu pour commun, vu qu'aujourd'hui on en consacre de nouveau pour le mettre dans les vaisseaux. » Le sacrificateur donc lui donna le pain sacré, car il n'y avait point là d'autre pain, que les pains de proposition qui avaient été ôtés de devant l'Éternel, pour remettre du pain chaud le jour qu'on avait levé l'autre. Or il y avait là un homme d'entre les serviteurs de Saül, retenu en ce jour-là devant l'Éternel. Cet homme avait nom d'Oé, Iduméen le plus puissant de tous les pasteurs de Saül. Et David dit à Ahimelech, « Mais n'as-tu point ici en main quelque hallebarde, ou quelque épée, car je n'ai point pris mon épée ni mes armes sur moi, parce que l'affaire du roi était pressée. » Et le sacrificateur dit, « Voici l'épée de Goliath le Philistin, que tu tuas en la vallée du chêne, elle est enveloppée d'un drap, derrière les faux, si tu la veux prendre pour toi, prends-la, car il n'y en a point ici d'autre que celle-là. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareille, donne-la-moi. » Alors David se leva, et s'enfuit ce jour-là de devant Saül, et s'en alla vers Aki, roi de Gath. Et les serviteurs d'Aki lui dirent, « N'est-ce pas ici ce David, qui est comme le roi du pays, n'est-ce pas celui duquel on s'entre-répondait aux danses, en disant, « Saül en a tué 1000, et David ses 10 000 ?» Et David mit ces paroles en son cœur, et eut une fort grande peur à cause d'Aki, roi de Gath. Et il changea sa contenance devant eux, et contrefit le faux entre leurs mains, et il marqua les poteaux des portes, et faisait couler sa salive sur sa barbe. Et Aki dit à ses serviteurs, « Voici, ne voyez-vous pas que c'est un homme insensé, pourquoi me l'avez-vous amené ? Manquais-je d'homme insensé, que vous m'ayez amené celui-ci pour faire l'insensé devant moi, celui-ci entrerait-il en ma maison ?